Attends. Do dièse mineur. Do dièse mineur, c'est quoi? Do dièse mineur. Ah, mais il y a les accords au-dessus. Ah, oh là, c'est quoi cet accord? Je connais pas. Il y a plein d'accords que je connais pas. C'est quoi ça? Do dièse mineur. Oula. Benji, là, ça devient compliqué pour lui. Thank you.